En Corée, les intellectuels qui ont contribué considérablement à l'édification d'une puissance économique et à l'amélioration de la vie de la population ont reçu les titres académiques et universitaires. La cérémonie de remise a eu lieu le 19 au Palais de la Culture du Peuple à Pyongyang. Selon la décision du Comité national de collation des titres académiques et universitaires, le titre d'académicien est conféré à Kim Ji-yeon, doyen à l'Université des sciences, et le titre d'académicien par correspondance à Han Chun-hwan, enseignant à l'École supérieure de médecine de l'Université Kim Il-sung, et à Chun Ha-chul, chef d'institut de l'Académie des sciences sociales. La rectrice Pyongyu-sun de l'École normale supérieure Kim Yong-ji, le doyen Chun Ji-hyun à l'Université de technologie Kim Tse, Han Song-nam, titulaire de chaire à l'Université de théâtre et de cinéma de Pyongyang, et d'autres ont reçu le titre de professeur, alors que Jin Jae-kyung, titulaire de chaire à l'Université Kim Il-sung, Yu Song-chul, titulaire de chaire à l'École normale supérieure Kim Yong-ji, le doyen Ho Nam-chul à l'École normale Kim Chul-chu et d'autres, le titre de docteur. Le titre de professeur adjoint est remis à 126 personnes et la maîtrise à 878 personnes.